Le mercredi 17 mai, ici Dominique Lelièvre et vos informations. Régis Labeaume défend à nouveau le concept d'autonomie municipale, cette fois aux audiences sur le projet de loi 132 concernant la conservation des milieux humides. Le maire de Québec a demandé ce matin aux élus provinciaux l'ensemble des pouvoirs pour gérer les milieux humides sur son territoire. La pièce législative vise à mieux encadrer les projets immobiliers aux abords des lacs et autres cours d'eau. M. Labeaume a mis l'emphase sur ses actions en matière de protection des sources d'eau potable. Il estime aussi que sa proposition réduirait la bureaucratie puisque les promoteurs n'auraient plus à s'adresser à la fois et à la ville et au ministère. La Ville de Québec allonge 750 000 $ pour aménager 6 places publiques éphémères pendant la période estivale. Les lieux retenus sont la bibliothèque Charles H. Blais à Sillery, les jardins de l'Hôtel de Ville, la place Montmorency à Beauport, le centre Monseigneur Marcoux à Mézeray, la Marina Saint-Roch et enfin la place Jean-Cartier près de la bibliothèque Gabriel-Roy. La Ville et ses partenaires promettent des lieux colorés avec du mobilier urbain et des espaces de détente. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec sont attendus aujourd'hui en Saskatchewan pour rencontrer Karine Major. La jeune femme de 26 ans de Rimouski a été retrouvée saine et sauve après 7 jours sans avoir donné signe de vie. Un citoyen a cru reconnaître la jeune chimiste dont l'image a abondamment circulé dans les médias. La thèse du départ volontaire est toujours privilégiée, même si aucune autre hypothèse n'est écartée. On ignore également comment et pourquoi Karine Major s'est rendue en Saskatchewan. Elle serait cependant en bonne santé physique. Enfin, un sondage place pour la première fois la coalition Avenir Québec au sommet des intentions de vote. L'enquête Mainstream Montreal Gazette place le parti de François Legault en tête avec 32% des électeurs québécois, en hausse de 9 points depuis mars. Le Parti libéral de Philippe Couillard suit avec 31%, en baisse de 8 points. Le Parti québécois récolte 24% et Québec solidaire 14%. Le coup de sonde a été réalisé jeudi et vendredi dernier après que plusieurs allégations est remis en doute l'éthique du Parti libéral du Québec. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est généralement nuageux présentement à Québec. On a 60% de possibilité d'averse de pluie cet après-midi. Il y aura dégagement en fin d'après-midi. On attend un maximum de 19 degrés. Demain jeudi, ce sera chaud mais pluvieux. 60% de possibilité d'averse demain jeudi avec un maximum de 27 degrés. Vendredi, 16 degrés, toujours avec des possibilités d'averse. Pour le moment, on nous prévoit une belle fin de semaine samedi et dimanche avec beaucoup de soleil. Présentement à Québec, on a 13 degrés.